À l'occasion d'un an de l'accord humiliant sur le problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise, l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon et l'Association démocratique des femmes sud-coréennes au Japon ont lancé le 28 décembre une déclaration sur ce thème. Le problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise reste toujours suspens. Par ailleurs, le 28 décembre, qui marque un an de la conclusion de l'accord entre la bande de Pakone et les autorités japonaises sur le problème précité, le corps protestataire des étudiants coréens au Japon, 28 décembre, regroupant les membres sous l'égide de la direction locale de Tokyo et de la direction locale de Tokyo Ouest de l'Union des élèves coréens aux écoles japonaises, ont déployé une action devant l'ambassade sud-coréenne à Tokyo et le siège du ministère japonais des Affaires étrangères pour demander l'annulation de la en question. Le même jour, il a fait une action protestataire devant le siège du ministère japonais de la Justice contre la sanction séparée du gouvernement japonais vis-à-vis de la Corée.